infestée de routine et de farfelettes. Mets un peu de religion dans ta vie. Les prêtres les bourreaux par toi, tu obéis. Cet argent, tu es en peine. Prends une bonne dose de Jésus, Bouddha, la Jéhovah. Peu à peu, mais sûrement, tout ce bel argent s'en ira. Un peu de religion dans ta vie. Un peu de religion, un peu de religion. Ah ah. Un peu de religion, un peu de religion. Ah.